بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. قال العلامة سليمان آل الشيخ رحمة الله عليه في كتابه النافع تيسير العزيز الحميد: فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام. Ça, ça te montre أن الشرك إلى nul tout. التوحيد والصلاة والصيام والحج et toutes les adorations, elles te seront utiles, أخي المسلم, avec l'ikhlas والتوحيد. Parmonir Ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة, بعثة هذا الرسول الأمين الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فهي نعمة عظيمة عليك وعلينا أخي الكريم. الله سبحانه وتعالى il a envoyé son messager, le dernier des messagers, أفضل الرسل والأنبياء, محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإرسال نعمة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: فكل الرسل الذين من قبلك, أي tous les messagers qui sont venus avant notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, مع كتبهم زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. فهذه النعمة, l'envoi des messagers, notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, كما تقدم, c'est une ni'ma عظيمة, c'est une ni'ma عظيمة علينا. وهذه النعمة أخي الكريم, tu dois savoir et tu dois connaître pourquoi Allah سبحانه وتعالى il a envoyé ce messager, حتى tu t'es reconnaissant envers cette ni'ma. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فشك مساجي الله سبحانه وتعالى il les a tous envoyés à leur communauté, et notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم à l'humanité entière, pour appeler à la ilaha illallah. unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. La ilaha illa ana fa'budun. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبيان أنه الإله الحق المعبود وأن عبادة ما سواه باطلة. C'est ça la signification de رسالة الرسل. Appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et s'écarter de tout ce qui contredit cette ibad. Fa'a'zam ni'ma 'alayna ayyuha al-ikhwa. C'est irsal hadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi hadha at-tawhid. On doit bien comprendre, afin d'être reconnaissant, on doit savoir awwalan pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé des rusuls et il a fait descendre des kutub. Fi sahihayn an Itban radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Fa c'est une bouchra 'azima pour toi ayyuha al-mu'min. C'est une bouchra 'azima pour Al-Muwahidun. Celui qui dit La ilaha illallah et son but, yabtaghi bidhalika wajha Allah, ça va impliquer des œuvres, bien sûr, al-a'mal. Fahada, Allah subhanahu wa ta'ala, yahrum alayhi an-nar. Même s'il rentre fil nar à cause de ses péchés, il sortira et son refuge, sa demeure éternelle, ça sera Al-Jannah, comme هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة. والله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالإيمان بالله جل وعلا لا يصح illa bil kufr bil ta'ut. Donc tu as deux choses, Akhil Karim. Tu dois parfaire ton tawhid, faire des efforts, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et pour parfaire ce tawhid, pour que ce tawhid soit sahih, tu es obligé an takfura bil ta'ut. Et tu dois rejeter et détester ash-shirku billah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam ibn Kathir رحمه الله في تفسيره أي من خلع الأمداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا إله إلا الله إخواني في الله, c'est pas qu'une parole qu'on dit avec la langue. Abadan. Hadhihi shahada, c'est un témoignage que celui qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Fa adorer autre qu'Allah, ou adorer Allah et adorer une créature avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça shirk. Fa lihada qala azza wa jal, faman yakfur bit-taghut. Wa ta'ammal qawlana لا إله إلا الله. أولا كفر بالطاغوت لا إله, أي personne ne mérite d'être adoré إلا الله. فهذا قال الإمام ابن كثير أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريق المثلى والصراط المستقيم. فالحفاظ على هذه النعمة التوحيد. On doit faire des efforts chaque jour pour propager هذا التوحيد, pour préserver hada tawhid, faire des efforts à ne pas contredire hada tawhid. Fal'inaya bi ilm tawhid, faire des efforts dans ce domaine plus que les autres. C'est da'wat ar-rusul comme taqaddamat al-aya ma'ana wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Donc on doit faire des efforts fi hada, Et on doit propager هذا الخير. كذلك الحذر أخي بالله من كل ما يناقض هذا التوحيد العظيم. احذر من الشرك بالله عز وجل. هذا الشرك il contredit, il annule التوحيد تماما. والمقصود هنا بالشرك الشرك الأكبر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أي الذنب أعظم. Ils ont demandé au prophète عليه الصلاة والسلام يا رسول الله c'est quoi le péché le plus grave. Et ça, ça montre فقه الصحابة. Ça montre qu'ils posaient des questions qui sont utiles في الدنيا والآخرة. أي الذنب أعظم. Et cette question, c'est pour qu'il s'écarte de هذا الذنب العظيم. فنحن كذلك, on doit se poser cette question. C'est quoi le plus grave des péchés? قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Tu donnes un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui est réservé à Allah azza wa jal alors que c'est lui qui t'a créé. T'as pas le droit d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala fi ar-rububiyya. Enfin, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la mort. C'est lui qui te donne ton risque. C'est lui qui guide. Azza wa jal. كذلك, t'as pas le droit de faire du shirk fi l'ibada. لِأَنَّ الْخَالِقْ c'est lui qui mérite l'ibad. Comme a dit Azza wa Jal, Ya ayyuha an-nas ubudu rabbakum. فالعبادة, elle est réservée exclusivement au Rabb Jalla wa Ala. كذلك, on n'a pas le droit de faire du shirk فيما يختص بالله عز وجل من الأسماء والصفات. Personne ne connaît l'invisible sauf Allah Azza wa Jal. Celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses qui lui sont réservées, faqad iftara 'ala Allah ithman 'azima wa kadiban wadihan an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Wa fi al-hadith al-akhar المتفق عليه dans un autre hadith, قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبيقات. Écartez-vous des sept péchés. المبيقات أي المهلكات. Ces péchés qu'ils emmènent صاحبها à sa perte. قلنا وما هن يا رسول الله. Ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم c'est quoi ces sept مبيقات مهلكات. قال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث المشهور المعروف. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé à citer al-mubiqat et il a commencé par al-shirk والسحر. Et sihr ça fait partie du shirk. فالحذر الحذر أمة الإسلام من هذا الذنب العظيم. الحذر من هذا الجرم الكبير الشرك بالله عز وجل. ولا تظن كما يظن أو بعض الجهال أن الشرك ليس منتشر. أن الشرك في اليهود والنصارى فقط. أبدا. Celui qui connaît le tawhid et qui connaît le shirk et qui connaît حال الناس اليوم il sait يقين et il a aucun doute أن الشرك il est منتشر. فلهذا on doit faire des efforts في الدعوة في هذا الباب. فلهذا on doit faire des efforts في العمل في هذا الباب et appliquer le tawhid, s'écarter du shirk. فلهذا on doit faire des efforts في باب الولاء والبراء. فنحب في الله نحب كل موحد et on déteste كل مشرك. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في القول السديد إن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده. Et ça c'est مهم de connaître ضوابط الأشياء, de connaître حدود الأشياء. فالآن الشيخ سعدي رحمة الله عليه va te donner une définition pour que tu comprennes c'est quoi الشرك. Et هذا c'est مهم. Et c'est ça العلم de connaître مثل هذه الضوابط, خاصة الضوابط que أئمتنا علماؤنا يسيت في كتبهم خاصة ضوابط ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد. قال رحمة الله عليه: أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. C'est ça le shirk. C'est de donner une ibada ou plusieurs ibada et de les accomplir, de les faire pour autre qu'Allah. هذا هو الشرك. لأن المستحق للعبادة وحده c'est Allah سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة elle est réservée à Allah. فالسلوي qui donne une ibada min babi awla plus fa hadha ashraka ma Allah subhanahu wa ta'ala ghayrahu fi hadha ash-shay al-mukhtas billah al-ibada. Qala ash-shaykh Sa'di: fa kullu i'tiqadin aw qawlin aw 'amalin thabata annahu ma'murun bihi min ash-shari' fas-sarfuhu lillahi wahdahu tawhid. Donc chaque ibada, que ce soit une parole, ou une croyance, ou un acte, Allah subhanahu wa ta'ala, ou son messager, nous ont ordonné de le faire. Imma c'est une obligation, imma c'est quelque chose de recommandé. Celui qui accomplit cette chose pour autre qu'Allah, faqad waqa'a fi shirk. Et celui qui fait cette chose que pour Allah, fa hadha huwa tawhid. Qala shirk sa'di, qala fasrafuhu lillahi wahdahu tawhidun wa imanun wa ikhlas. Et c'est ça, Inch'Allah, qui te sauvera بعد رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. هذه الأعمال هذه العقيدة سو التوحيد. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله, الله سبحانه وتعالى يحرم عليه النار كما ذكرنا لبخمي حديث. قال رحمة الله عليه: وصرفه لغيره شرك وكفر. فهذا هو الشرك. Et c'est ça qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah. Hada shirk, on a compris l'un, c'est adorer autre qu'Allah. Même si ce mushrik il adore Allah, si il accomplit une ibada pour autre qu'Allah, même s'il adore Allah, faqad waqa'a fi shirk wal kufr. Wa hada c'est min akhtar ma yakun. C'est min akhtar ma yakun. Faqala shirk sa'di, fa'alayka bi hada dhabit li shirk al akbar. الذي لا يشد عنه شيء. نعم, cette définition, cette règle في الشرك الأكبر, toutes les catégories de shirk elles rentrent sous cette règle, sous cette définition. فاحفظها أخي الكريم, propage-la أخي الكريم, comprends-la أخي الكريم. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه النافع مدارج السالكين: قال ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى, وهذا منتشر للأسف الشديد. Ça c'est une catégorie de shirk. L'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi te cite cet exemple pour te montrer أن هذا الطلب الاستعانة الدعاء, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala. فالآن كيس كي بوس هذا الرجل أو هذه المرأة à demander à ce mort, alors que le mort il l'entend pas. Même s'il l'entend, il peut pas lui répondre. Le mort il peut pas être utile à lui-même. Comment il va être utile à un autre? هذا اسم الشرك. لأن الآن كما هو واضح يتعلق من هذا المشرك بهذا الميت, وإلا il lui aurait pas demandé. S'il lui demande, c'est qu'il a une croyance qui peut lui répondre. وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ. قَالَ وَمِنْ أَنْوَعِهِ أَيْ الشِّرْكِ طَلَبُ الْحَوَائِجِ مِنَ الْمَوْتَى وَالْإِسْتِغَاثَةُ بِهِمْ وَالتَّوَجُّهِ إِلَيْهِمْ وَهَذَا أَصْلُ شِرْكِ الْعَالَمِ. La base du shirk dans l'humanité, c'est هذا. C'est de accrocher son cœur à autre qu'Allah. Placer sa confiance en autre qu'Allah. Alors que tout ça c'est des ibadat, al-tawakkul, al-tawba, al-du'a, al-isti'ana. Tout ça c'est des ibadat. Fassarfuha li ghayri Allahi azza wa jal, même si c'est une personne pieuse, même si c'est un nabi, بل même si c'est un rasoul, un malak, لا يجوز. لأن العبادة, on répète, c'est حق للخالق. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم il a demandé à Mu'ad ibn Jabal, الصحابي الجليل رضي الله عنه, il lui a dit, يا Mu'ad, أتدري ما حق الله على العباد؟ يا Mu'ad, est-ce que tu sais c'est quoi le droit d'Allah sur ses serviteurs? Mu'ad radiyallahu anhu, il a dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, haqqullahi ala al-ibad, le droit d'Allah qu'il a sur vous, an ya'buduh, la yushriku bihi shay'a. On l'adore et on lui associe personne. Ça te montre, an al-ibada, c'est haqqullillah. Et an al-ibada, elle est khassa bi rabbil alamin jalla wa ala. Fasarfuha li ghayrillahi azza wa jalla. كائن من كان كسواء كايو انارب انم بيو اكسترا صرفها لغير الله عز وجل سدو كفر اي دو شرك اكبر. قال عز وجل وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تامل قوله عز وجل شيئا اي ادوري الله اي نو لي اسوسي بيرسون بيرسون شيئا سان غلوب جميع المخلوقات. فالحذر من الغلو. Ça, ça nous montre que d'alik, annamin asbab, les causes qui poussent les gens à faire du shirk ou l'ayadu billah, awwalan al-jahl, l'ignorance. Tanyan, al-taqlid, suivre aveuglément. Thalitan, al-ghulu, l'exagération. Fal-hadr min hadhihi al-thalat. Apprends ton din, akhil karim. La tuqallid fi dinik. Ne suis personne aveuglément, suis le haqq. Demande si tu ne sais pas. Fais des recherches. Que ce soit tes ancêtres ou que ce soit ton cheikh, la yajouz al-taqlid. Fahaoula al-mushrikoun halaku bi sabab taqlidihim. Kama sayati ma'ana. Kadhalik ihdhar min al-ghulu. Chaque chose met là à sa place. Un impieux, c'est un impieux, on l'aime fillah. On l'aime fillah. Et s'il est mort, il a un haq sur nous. On fait un dua pour lui. Qu'Allah lui pardonne. Qu'Allah l'élève en degré. Amma, on fait du roulou. On l'élève au-dessus de son rang. Et on lui demande. Fahada huwa shirk. Hada huwa aynu shirk. Qala Allah ta'ala. An Ibrahim. Alayhi salatu salam. Wajnubni. Wabaniya. An na'bud al asnam. Ça c'est qu'au Ibrahim. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui le préserve, lui et ses enfants, d'adorer les statues. Ça te montre, Akhil Karim, que tu n'es pas à l'abri. Ba'd al-nas, rubbama, tu l'appelles au tawhid ou tu le mets en garde contre shirk, ka'annahu yastab'id hada. On est des musulmans, on est des croyants, ils pensent que c'est que les autres. Ibrahim, alayhi salatu salam, khalilur rahman, afdal ar-rusul, ba'd nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bil ittifaq. Il fait هذا الدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الإمام عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمة الله عليه صاحب فتح المجيد قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم. Qui sait qui va être à l'abri après Ibrahim? Si t'as compris هذه الآية الكريمة. فقال الشيخ عبد الرحمن فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به. Plus la personne est ignorante, plus elle se croit à l'abri. Plus il est à la ilm, plus il sait qu'il n'est pas à l'abri. فمعرفة التوحيد واجبة على جميع المسلمين. Ça c'est واجب حق الله علينا كما تقدم في حديث معاذ. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذا الرواية أن يوحد الله. كذلك ce hadith, quand le prophète صلى الله عليه وسلم il a envoyé Mu'ad au Yémen pour faire الدعوة, قال له هذا أمر, c'est un ordre, فليكن, la première chose à quoi tu les appelles c'est الشهادة. Et dans l'autre version du hadith il explique cette شهادة, أن يوحد الله, أي ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Avec leur langue, avec leur cœur et avec les membres. وَمَعْرِفَةُ الشِّرْكِ كَذَلِكَ مِنْ أَهَمْ مَا يَكُونَ حَتَّى لَا يُنَاقِدَ الْمُسْلِمْ تَوْحِيدَهُ. Et on a dit, Akhil Karim, t'es pas à l'abri, je suis pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, as-salamata wal-afiyah. Hada, fais attention à ne pas contredire hada al-kinz. C'est un trésor que t'as, Akhil Karim, hada al-tawhid. Hada al-tawhid, bi-idnillahi azza wa jal, celui qui meurt alayhi, il sera sauvé. Il sera sauvé mina al-khuloud fil-nar. Si t'as compris cette muqaddima, اعلم وفقك الله ان هذا الشرك الى دي شوز دي كونسيكونس تري غراف على حياه الانسان celui qui tombe في الشرك الامر il est pas hayin اولا الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشرك اذا مات على شركه Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne pas aux mushriks. S'il meurt à la shirk. S'il fait tawba avant, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés. Tant que l'insan, il est vivant. Et tant que les portes de tawba ne sont pas refermées. Amma in mata ala shirk al-akbar. Il adorait autre qu'Allah. Il sacrifiait pour autre qu'Allah. Il invoquait autre qu'Allah. Il plaçait sa confiance en autre qu'Allah. Fahada, yaqul Allah azza wa jal, fi sha'n ha'ula, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشرى pour le موحد أن الله سبحانه وتعالى يpardon tout et ça c'est من أدلة الرجاء أن الإنسان ne désespère jamais من رحمة الله écarte-toi du shirk fais des efforts si tu t'es trompé fais le tawba même le kafir même le yahoudi et le nasrani Si Allah subhanahu wa ta'ala le wuffaq et il fait tawba, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Lakin, celui qui meurt, t'as deux cas. Si il meurt et c'était un mushrik, shirkan akbar, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne pas. Et ça montre la gravité, le danger du shirk al-akbar. Si il meurt et c'est un muwahhid, فإلى تحت مشيئة الله. S'il a des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut lui pardonner. Et s'il le châtie, il sortira un jour min al-nar et son refuge, sa demeure éternelle, ça sera le jannah. Bushra pour al-muwahhid. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه عند تفسير هذه الآية أي يغفر لعبد أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne pas à un serviteur qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama et il est mort à la shirk al-akbar, il n'a pas fait de tawba. Fal-hadar. Qala l'imam ibn al-qayyim rahmatullah alayhi fi ighathati al-lahafan wal-maqsoud anna shirk lamma kana adlamu al-zulm. La plus grande injustice, akhi al-karim, c'est al-shirk. Inna shirka la zulmun azim. قال وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له وأشدها مقتا لديه ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه نعم la gravité les conséquences du shirk tu les trouveras pas dans les autres péchés لأنه c'est أظلم الظلم لأنه c'est un شر كبير C'est un dhanb khatir jiddan jiddan. Qala wa akhbara annahu la yaghfiruhu. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a informé annahu il pardonne pas hadha al-dhanb al-'azim. Intaha kalamu. Fa hadha huwa al-khatar al-awwal. Le premier danger, la première gravité, an Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne pas au mushrik si meurt ala شركه الأكبر. Deuxième point, المشرك محرم عليه دخول الجنة. C'est la حقيقة. Ça suit le premier point. C'est pour ça qu'on l'a cité en deuxième. Si Allah ne pardonne pas au mushrik, fa automatiquement, هذا المشرك ne rentrera pas في الجنة. إن مات على ذلك. Bien sûr. S'il meurt en étant mushrik. قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الشاهد إنه من يشرك بالله شركا أكبر فقد حرم الله عليه الجنة. الله لو انتردي الجنة. فريق في الجنة وفريق في السعير. Celui dont l'accès, l'entrée في الجنة elle lui est interdit, il reste l'autre demeure, النار. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. تأمل قوله أو قوله يدعو أي هذا الإنسان إلى دوني عبادة أترك الله الدعاء. من مات وهو يدعو من دون الله ندا. Même s'il invoque un messager, il invoque un salih, il invoque un sayyid, il invoque un malak, tout ça c'est du shirk et du kufr. Et as-salihoun, min babi awla al-anbiya, wal-rusul, wal-malaika, il déteste le kufr ou le shirk. Ça n'a aucune utilité dans la dunya ou dans l'autre. Et les musulmans, عن جابر رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. Celui qui rencontre Allah سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا, c'est un موحد, il adorait que Allah سبحانه وتعالى, ses sacrifices c'était pour Allah, الدعاء il invoquait Allah, الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة لله سبحانه وتعالى, son توكل Allah سبحانه وتعالى, هذا جزاؤه الجنة. قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. تأمل قوله شيئا أي إلا سسي الله سبحانه وتعالى إن شوز في العبادة, كسا سواء رسول, كسا سواء ملك, كسا سواء الشمس, القمر, نجم, n'importe quelle créature, voilà aussi cette créature à la fadl indallah, lakin hadha al insan il l'adore, fa hadha waqa'a fi shirk, et il rentre fi hadha al wa'id, man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala al nar. Et notre objectif à tous c'est de rentrer fil jannah, et notre peur à tous c'est al nar. Fal an ce hadith en une ligne, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il te démontre tariq al-jannah et te met en garde contre tariq al-nar. Tariq al-jannah c'est tawhid. Et les fruits du tawhid, tout ce que ce tawhid il implique, min al-a'mal wa ta'a, etc. Et tariq al-nar c'est هذا الشرك. Fahdhar akhi al-karim, la taghtar bid-dunya. بعض الناس يقع في الشرك à cause de dunya. بعض الناس يقع في الشرك une shubha, il perd dunya wa akhira. وتعلمون أن قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة c'est pour l'éternité, لأن celui qui rentre في الجنة il sort plus. وتعلمون أن قوله من لقيه يشرك به شيئا c'est قوله دخل النار c'est pour l'éternité, لأن le verset il explique هذا الحديث إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة pour lui elle est haram, il rentre pas. Et في هذا الحديث sa demeure elle est citée دخل النار. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في القول المفيد وإذا حرمت الجنة لازم أن يكون خالدا في النار أبدا. Il explique le verset رحمة الله عليه. Si Allah سبحانه وتعالى il interdit à une de ses créatures الجنة, ça implique que هذا الإنس أو هذا الجن il va في النار éternellement. قال فيجب أن نخاف من الشرك ما دامت هذه عقوبته. صحيح عقوبة هي خطيرة, هي شديدة. Ça doit nous pousser à avoir peur, ça doit nous pousser à s'écarter de هذا الذنب. لو حكم عليك في هذه الدنيا بالسجن, خاصة une longue période de prison, on te dit maintenant si tu fais cette chose on t'enferme pendant 20 ans, 30 ans. Toutes les personnes, elles s'écartent de ça. Il l'a majnoun. Ma balouk l'an, elle ne sait pas si jeune. On t'enferme une période et tu sors. Et Rubama, t'es enfermé et tu souffres pas. Il dort, il mange, etc. Ammanar, al-an, il faut bien comprendre que c'est l'éternité. L'éternité, ça veut dire qu'il n'y a plus de faim. Kazalik, il faut comprendre que l'adab, il est shadid, diddan. Tout ça pour avoir contredit hadat tawhid. Tout ça pour avoir khalif da'wat al-anbiya. Tout ça pour avoir fait hadha shirk, hadha dhulm. هذا الإثم العظيم قال الشيخ العثيمين فالمشرك خسر الآخرة لأنه في النار خالد وخسر الدنيا أيضا لأنه لم يستفد منها شيئا صحيح المشرك يتغل الآخرة إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة الله لا تغذي الجنة إلا تبغض في الآخرة كذلك الدنيا ألي أصغب يعكوا هذه الدنيا لم يستفد منها شيئا قال شيخ ابن عثيمين وقامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكنه خسر والعياذ بالله ما استفاد شيئا من الدنيا نعم ما استفاد شيء tout ce temps الله سبحانه وتعالى il lui a facilité le Coran, il lui a facilité الدعوه des gens lui ont montré tout ça أعرض وكفر وأشرك بالله عز وجل فتسسن حجة contre lui يوم القيامة قال الله تعالى شيخ ابن عثيمين يسيت الverset أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير حجة أن تعفي du temps النذير il est venu on t'a montré الرسالة التي venue القرآن on t'a expliqué cette quoi التوحيد on t'a mis en garde contre الشرك فمن أبى بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال صلى الله عليه وسلم من لقيه يشرك به شيئا دخل النار عياذا بالله la troisième gravité أن من مات على الشرك الأكبر toutes ses œuvres elles sont annulées محبط الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال سأنول توت لزب قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ولقد أوحي إليك أي Allah il a révélé à son messager wa ila alladhina min qablika tous les messagers la in ashrakta la yahbatanna amaluk si tu fais du shirk on annulera toutes tes œuvres wal anbiya wal rusul walillahi alhamd ils sont ma'soumoun an hada ils peuvent pas tomber fi hada et c'est a'immat al muwahhidin lakin anta akhi al karim t'es pas à l'abri abatan la yahbatanna amaluk ولتكونن من الخاسرين وقال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون si ils tombent في الشرك الله سبحانه وتعالى il annule tout ce qu'ils ont fait وما ذلك على الله بعزيز الله سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut جل وعلا قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره فاحذر أن تشرك بالله شيئا فتهلك Fais attention de ne pas te détruire avec tes propres mains. Fais attention de ne pas t'emmener à ta perte avec tes propres mains, avec ta propre langue, avec ton propre cœur. أيها الإنسان قال العلامة سليمان آل الشيخ رحمة الله عليه في كتابه النافع تيسير العزيز الحميد c'est un شرح طيب c'est من أحسن الشروح على كتاب التوحيد قال فعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام ça te montre أن الشرك إلى نلتو التوحيد والصلاة والصيام والحج et toutes les adorations elles te seront utiles أخي المسلم avec l'ikhlas والتوحيد الشرك كما يفعل البعض ils vont dans des tombeaux dans des mausolées et ils demandent ya sidi fulan donne-moi ya sidi fulan mon enfant il est malade ya sidi fulan ma fille elle arrive pas à se marier ils égorgent haoula

On lui dit, ça implique que tu adores Allah seul. Donc tu dois délaisser l'adoration de Uzair. وَهَكَذَا النَّصْرَانِ Il veut se convertir, il dit, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ On lui dit, ça implique cette parole que tu as dit, que personne ne mérite l'adoration, donc tu ne dois pas adorer Isa. S'il dit là, je continue à adorer Isa, et il dit, Shahada, est-ce que ça lui est utile, Akhil Karim? Abadan, abadan. قال الشيخ سليمان ومجرد التلفظ بهما أي بالشهادتين لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناها واعتقاده إجماعا هذا الكلام de الشيخ سليمان il est مهم لماذا لأنه يغبط الإجماع ça lui est d'aucune utilité selon l'unanimité إجماع العلماء il n'y a pas de خلاف في هذا فلا بد من التلفظ Et on a une croyance, on comprend le sens, et on adore Allah seul, et on ne fait pas de shirk. فَحْذَرْ أَخِي الْمُسْلِمِ مِنْ هَذَا الذَّنْبِ الْعَظِيمِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ تأمل موقف الصالحين لقمان ذلك الرجل الصالح Une sourate dans le Coran, elle porte son nom. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité. Le conseil qu'il donne à son fils, لأنه c'est un صالح, radiyallahu anhu. Il veut du bien à son enfant. Il n'a pas conseillé, fais des études, fais kada, fais... Là, il l'a conseillé, أهم شيء. Et c'est ça qui lui sera utile, في الدنيا وفي الأخرى, يا بني, لا تشرك بالله. Oh mon fils, oh mon enfant, fais attention au shirk. لأن لقمان, il sait que s'il tombe dans le shirk, même s'il a un niveau élevé fit dunya, même s'il a des enfants, même s'il a une maison, même s'il a toutes ces choses, ça passe très vite. Et yom al-qiyama, il regrettera. On fait des efforts fi hada et on met en garde contre hada khassatan nos proches. Famina dhulm al-dhabhu li ghayrillah. Ça c'est le shirk. Qala nabiyuna al-karim sallallahu alayhi wa sallam. من أو لعن الله من ذبح لغير الله فيا أيها الأب يا أيتها الأم لأن لبيرسونز أجي كثير منهم يتم في هذا الشرك l'ignorance suivre leurs parents les ancêtres فربما ils voient pas le mal ce prophète que tu aimes tant لأنهم يزعم الرسول هذا الرسول يدي لعن الله من ذبح لغير الله فلماذا تغرج pour سيدي فلان لماذا tu sacrifies et tu vas au mausolée لماذا si ta femme elle n'arrive pas à avoir d'enfants ou ta fille elle n'arrive pas à se marier ou ton fils il est malade لماذا تغرج pour la tombe لماذا لعن الله من ذبح لغير الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ces choses c'est réservé exclusivement à Allah الصلات والنسك النسك c'est الذبح les sacrifices فta salat tu l'as fait que pour Allah كذلك les sacrifices من الظلم أيضا الاستعانة بغير الله والدعاء والتقرب إلى الأولياء والصالحين قال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وهذا كذلك سي بروباجي عند خاصة عند الناس الكبار ils ont des شبه فربما il invoque il va عند الولي الصالح et Allah علم est-ce que c'est un ولي est-ce que c'est un صالح Allah alam bihali. Lakin, même si c'est un wali, ben on rajoute, même si c'est un nabi, la yajouz, tu l'invoques en dehors d'Allah. Isma, ila qawli rabbik jalla wa ala. Wa la tad'u min dounillah. Ça s'englobe tout. Celui que t'invoques, c'est Allah. Une créature, t'as pas le droit. Quel que soit son niveau, fil ilm wa salah wa al-huda. Wa la tad'u min dounillah. Ma la yanfa'uk. Wa la yadurruk. Billahi alayk, est-ce que ce mort il peut être utile avec quelque chose? Cet enfant, pourquoi tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala directement? Ils ont une shubha, ils demandent à ce mort et le mort il va demander à Allah, c'est pour shafa'a. On va citer quelques shubha là. Tu ne demandes pas à Allah directement. S'il répond, c'est pour qu'il me rapproche d'Allah, etc. Ça c'est shubha al-mushrikin. Et nous, on lui dit, demande directement à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, yastajib al-du'a. أمن يجيب المضطر إذا دعا قال عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا الله سبحانه وتعالى descend dernier tiers de la nuit في السماء يقول هل من مستغفر فأغفر له etc. Dua, tu fais dua pour Allah, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il donne. وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكْ وَلَا يَضُرُّكْ فَالْمَخْلُوق, il ne peut pas t'aider et il ne peut pas te nuire. إِلَّا أَيَشَاءَ اللَّهِ فَرَوْيَنَ à Allah. أخي المسلم, reviens à Allah, أختي المسلمة, فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ والظلم هنا, المراد به, c'est الظلم الأكبر. Comme on a vu dans sourate Luqman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ فَقَوْلُهُ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ أَيْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, il ne peut rien pour toi, il ne peut pas donner de risque. Que ce soit al-rizq al-ma'nawi, l'ilm, etc., ou al-hissi, les enfants, la nourriture, etc., il ne peut rien te donner. فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. Reviens à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est à créer. Il est capable de tout. On est d'accord sur ça. Il peut tout te donner. فَلِمَاذَا, tu ne le demandes pas direct. Tu lèves les mains et tu dis Ya Rabb al-Alamin et demande. فَلِمَاذَا, إِلَّا الشَّيْطَانِ. Il veut égarer Ha'oula pour les faire sortir du tawhid qui tombe fait shirk, fayahlakoun. Qala azza wa jal, wa'abudhu wa shkuru la, ilayhi turja'oun. T'amal la fin du verset, ilayhi turja'oun. Tu reviendras à Allah et tu seras questionné. Wallahi, anna, cette personne, ce wali, ce sayyid que t'invoques, il pourra rien pour toi yawm al-qiyama. Allahu a'lam, est-ce que lui sera sauvé amla? وقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. Ça c'est من الضلال المبين. Et c'est من السفاهة. Ils invoquent un mort et il ne peut pas lui répondre, il ne l'entend pas. Même s'il l'entend, il ne peut pas répondre. قال عز وجل وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. Et ça c'est le خسران كذلك. أنهم يوم القيامة, cette personne qui l'invoquait, ça deviendra son ennemi. Et il va se désavouer de lui. Pourquoi tu m'invoquais? Anna, je me désavoue de toi. Hatta Iblis, Ra'asul Kufr, il se désavouera de ses suiveurs. Qala Azza wa Jal, wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Fal mustahiq lil'ibada huwa rabbul ibada al-khaliq Azza wa Jal. Qala Jalla wa Ala, ayushrikuna ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Ça c'est une qaïda, akhi al-karim. Ça c'est une règle. Comme il nous a expliqué le Cheikh Saadi, celui qui mérite l'adoration, c'est le Créateur. Celui qui adore autre que le Créateur, même s'il adore Allah, c'est un mushrik. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Comment t'adores une créature comme toi? On revient au Créateur. Si tu adores cette créature, tu as mis au même niveau la créature et le Créateur. C'est ça, shirk. قال عز وجل ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Il ne peut pas t'aider. Lui-même, il ne peut pas s'aider. والله, ce mort, s'il pourrait faire quelque chose, il l'aurait fait pour lui-même. لكن ما يستطيع. قال ربنا جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, même al-qitmir, c'est la petite pellicule qui est autour du noyau de date. تعرفون هذا, quand tu manges une date, prends le noyau et regarde, une toute petite pellicule, c'est très fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il te démontre anna al-bashar, celui que tu invoques en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-qitmir, cette petite pellicule, il ne peut pas la créer, il ne la possède pas. Falimada, tu lui demandes. Limada, tu reviens à lui. Limada, tu places ta confiance en lui. Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'akum. Si tu lui demandes, kama yaf'al ba'd al-juhal, ils demandent au wali. Et ils égorgent et ils posent rubama de l'argent autour de sa tombe. Et wal'iyadu billah. Tout ça pour qu'il répond. قال عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Si tu l'invoques, il t'entend pas. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قد يقول قائل mais s'il nous entend, Allah عز وجل قال ولو سمعوا, même s'il entend, ما استجابوا لكم, il te répondra pas, même s'il entend. ما بالك il n'entend pas. قال عز وجل ويوم القيامة ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Et le jour du jugement, quand on sera tous rassemblés, cette personne, ce wali, ce bachar, ce makhlouk que tu as invoqué en dehors d'Allah Azza wa Jal, yakfur bik, il se désavouera de toi. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Hada al-naba, hada al-khabar, cette information, c'est min Allah Azza wa Jal. Et c'est maintenant qu'elle t'est utile. Yawm al-qiyamah, elle te sera d'aucune utilité, c'est fini, c'est les comptes. Amma al-an ta fi dar al-amal. Ta fi dar al-amal, ayyuha al-muslim, fa mithla hadhihi. الآيات تنفعك سبسك ونحن سيتي بلزيور. كذلك من خطورة الشرك أن المشرك لا تنفع فيه الشفاعة. هذه الشفاعة كون اسبير يكون دماغ الله سبحانه وتعالى المشرك إلى أن بخفيت خطأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. شك نبي il avait une invocation exaucée. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اِخْتَبَأْتُ دَعْوَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. النبي صلى الله عليه وسلم sa da'wa, et cette chose qui lui sera exaucée, c'est الشفاعه. Et النبي صلى الله عليه وسلم il l'a laissé pour يوم القيامة, pour sa communauté. Il fera الشفاعه avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa communauté يوم القيامة. Et ça c'est une bouchra azima pour le mu'min. لكن قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Cette condition, si tu veux profiter de shafa'a, tu fasses partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et t'as pas fait de shirk akbar. متفق عليه الحديث وهذا اللفظ c'est l'imam muslim. وفي الحديث الآخر في صحيح البخاري toujours عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله. Il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça vous montre أسئلة الصحابة, la question فيها فوائد, et la question est un نفع عظيم pour l'umma. من أسعد الناس, c'est qui va profiter de ta shafa'a يا رسول الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Ça montre أن لا إله إلا الله تنفع avec l'ikhlas. Et avec l'autre hadith, tu comprends que تنفع si القائل المتلفظ بها il s'écarte du shirk. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Et dans l'autre hadith تقدم معنا لا يشرك بالله شيئا. Fait deux choses, c'est un موحد, il prononce shahada, et deuxième chose, il adore Allah عز وجل et il ne fait pas de shirk. فهذا بإذن الله عز وجل يبخفتخ دو الشفاعة. أما المشرك لا أكن حق في الشفاعة. فلا تهلك نفسك وتضيع آخرتك بتعلقك بغير الله تعالى. فمن الناس كما تعلمون حقيقة سعون تخيست لأننا نحن نفعل بيضو هؤلاء ونسيك كثير من الناس يسون على خطر عظيم. نحن نتعلم par rapport au التوحيد الآن par rapport au الشرك. فمنهم من يعلق قلبه بمخلوق ضعيف. والله il a peur de lui et il espère, alors que cette peur et l'espérance c'est des عبادة. نحن نسبر de Allah سبحانه وتعالى et on a peur d'Allah سبحانه وتعالى. أما والله بعضهم ils ont peur des morts. S'il ne fait pas cette chose, il croit que le mort il peut lui faire quelque chose. Cette peur c'est du shirk. قال عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Il espère que d'aller. S'il fait telle chose, il égorge, il emmène certaines choses au mausolée, à Zarih, etc. Rubama, il va profiter de certaines choses, du risque des enfants, etc. Hada huwa aynu shirk. Naam. Et haoula, il délaisse al-ahad, al-qahar subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Ba'duhum, pour ne pas être touché par le mauvais œil, ou pour que sa femme elle a des enfants, ou talamun khurafat al-juhal. Rubama ils vont chez un sorcier ou inda sidi fulan comme il l'appelle et il leur fait un talisman. Si tu portes ça, tu ne seras plus touché par ça. Si tu veux que ta femme, elle enfante, elle tombe enceinte, elle doit boire ça, elle doit cacher ça sous son oreiller. Khurafat wa shirk. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. أين تعلقهم بالله جل وعلا. Pourquoi ils ne reviennent pas tout simplement à Allah subhanahu wa ta'ala? Il y en a les cœurs, ils sont malades. فحذر. Et on met en garde, خاصةً la génération de nos parents, de nos grands-parents, on les met en garde contre هذه الخرافات. الحقيقة أحيانا on perd notre temps dans des sujets alors que ربما des membres de ta famille ils sont confrontés à ces choses jour et nuit. Et بعضهم ils savent pas. Ou ils ont des choubouhats. Ou on leur a mal expliqué. Ou on n'a pas pris le temps de leur expliquer. فأخي الكريم, prends du temps. Montre-leur. Ne désespère pas. Montre برف وبحكمة. Avec des adillah, montre-leur avec un raisonnement simple que ce qu'ils font, c'est bâtil. Et montre-leur la gravité. Et inshallah, ça les touchera. Et si ça ne les touche pas, t'as appliqué et t'es sûr, manhaj al-anbiya. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. فَأَنْتَ, tu les appelles à adorer Allah seul et à s'écarter du shirk. فبعضهم مثلا من الخرافات يقولون tu dois pas faire ta douche la nuit, ou tu dois pas faire la lessive le samedi, ou tu dois pas mettre tel vêtement, ou ta femme si elle sort elle doit pas, من الخرافات, ou si elle veut tomber enceinte elle doit faire telle chose. Tout ça c'est des خرافات. الأسباب معروفة. Et place ta confiance en Allah. لكن تأمل الشيطان كيف يلعب بعقول الناس. النبينا الكريم يقول الطيرة شرك. الطيرة شرك. الطيرة c'est مثلا il voit un chat noir, خلاص il croit qu'il va se passer telle chose, il passe sous une échelle, خلاص il va avoir telle chose. Tout ça c'est من الشرك. Celui qui gère les choses c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est où le rapport avec l'échelle et il va avoir telle chose? Il est où le rapport? Ou un chat noir. Chat noir, il peut se faire aucun bien et donner aucun bien aux autres. Mais ben l'eau qui va te faire un mal. وقال صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا, il ne fait pas telle chose à cause d'une khurafa. On m'a dit que si un oiseau noir il fait telle chose, enfin je... Tout c'est khurafat. هذا c'est من الشرك. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الخاتمة, on conclut هذه النصيحة, ce sujet مهم جدا, بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. La chose que النبي صلى الله عليه وسلم il a eu le plus peur pour nous, الشرك الأصغر. فما بالك أخي الكريم بالشرك الأكبر. نحن الآن on vient de citer في الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم il a eu peur pour nous الشرك الأصغر. ما بالك الأكبر. ما بالك الأكبر. Sahib aussi meurt, il est fin de nar. Allah, il n'accepte pas ses œuvres. Il ne lui pardonne pas. Il n'a pas de shafa, il ne bénéficie pas de shafa'a. Halak wal a'yadu billah. Ihdhar et mets en garde, kadhalik akhi al-karim, contre deux shubha. Shubhatan, azimatan fi bab al-tawhid. Et bab al-shirk. Il y en a beaucoup de gens qui sont touchés par hala. La première shubha que tu dois comprendre, وكثير من إخواننا والله الحمد يكونس مثل هذه الأمور, لكن نحن الآن وننكوراج في الدعوة في هذا الباب. La première شبهة أن الاعتراف بالربوبية, أن الاعتراف بالربوبية يكفي. كثير من الجهال ils ont cette عقيدة أن je crois au رب, je sais que c'est Allah le créateur etc, donc ça finit, je suis un موحد. يقول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله illa wa hum mushrikun. Beaucoup d'eux ils croient en Allah, beaucoup d'eux ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala et c'est des mushrikun. كثير من الائمه ils expliquent ce verset, et ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala fir rububiyya, et ils reconnaissent que c'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort, c'est le créateur, lakin c'est des mushrikun fil ibada. Et ash-shirk fil ibada c'est shirk akbar. Ça fait sortir la personne de l'islam et il rentre dans tous les dangers qu'on a cités. وقال جل وعلا عن مشرك قريش ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. قال الإمام ابن كثير أي هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها. كفار قريش que le prophète صلى الله عليه وسلم il a combattu, il leur a fait دعوة. كثير منهم والله الحمد ils sont revenus au حق. Et بعضهم ils sont morts à la shirk. Ils reconnaissaient que Allah c'est le créateur. وحده لا شريك له. Ils n'avaient aucun problème في الربوبية. قال ومع هذا يعبدون معه غيره. Enfin, le problème qu'ils ont eu, Kuffar Quraysh, c'est fait l'ibada. Ils reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur, lakin ils adoraient les statues. Et ces statues, ils les adoraient, comme ça y est, dans la troisième shubha, ils les adoraient pour qu'elles les rapprochent d'Allah. فَلِعْتِرَافِ بِالرُّبُوبِيَّ لَا يَكْفِي. Iblis, il reconnaît que Allah il l'a créé. خَلَقْتَنِ مِنْ نَارِ. Est-ce que ça lui a été utile? أَبَدًا. Iblis, il est fait النار. قال الإمام الكثير ممن لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء فهو في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل ولهذا قال تعالى فأنا يؤفكون. نعم فمع هذا يعبدون غير الله. نعم إذا تقوتك الله كما قال الإمام الكثير سيد الجهل السفاهة faiblesse d'esprit manque de raison et manque de dîn. La deuxième chubha الاستدلال على الشرك بفعل الآباء والأجداد. كثير منهم quand tu les conseilles ils te répondent mais nos parents ils faisaient. Est-ce que tes parents c'est une preuve? Tes parents ils faisaient, tes parents ils peuvent avoir raison, ils peuvent avoir tort, ça dépend. Est-ce qu'ils contredisent le Coran et le Sunna ام لا؟ قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Même si ses parents ils suivent le shaitan et ils vont fin nar, tu vas les suivre. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il est venu avec le Coran le Karim. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il est venu avec le Huda wa Din al-Haq. Fait tu prends هذا الخير. Si tes parents ils se trompent, si tu veux être utile pour tes parents, بإذن الله conseille-les. Fait الحجة c'est le Kitab wa Sunnah. C'est pas فعل الآباء والأجداد. Et كذلك c'est pas ce qu'ils font dans ton pays. بعض الناس يقولون tu le conseilles mais dans notre pays on fait cela. نحن on a jamais dit que dans ton pays ils faisaient pas cela. لكن النبي صلى الله عليه وسلم c'est lui qui juge. C'est lui qui tranche بالقرآن بكلام الله عز وجل بالوحي. Et هناك شبهة ثالثة et c'est la plus répandue et c'est شبهة كل مشرك. قال عز وجل ويعبدون من دون الله. أي ils adorent autre qu'Allah. أي ils font du shirk. ما لا يضرهم ولا ينفعهم. Donc هؤلاء c'est des mushrikoun. C'est quoi la cause ou leur explication? قال عز وجل ويقولون. Et ils disent pour justifier هذا الشرك هؤلاء الشفعاءنا عند الله. Ça te montre qu'ils reconnaissent Allah comme créateur. Bel, ils veulent se rapprocher d'Allah. Lakin, ils ont pris des intermédiaires qu'ils adorent pour que cet intermédiaire il les rapproche d'Allah. Et c'est ça, shirk kuffar Quraysh. Et c'est le shirk qui est répandu l'an. قال عز وجل والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهؤلاء المشركون qu'ils adorent autre qu'Allah, leur but pourquoi ils les adorent? Et ça te montre que le fait de prendre des intermédiaires c'est une ibada. Parce qu'ils ont dit ma na'buduhum, enfin ils reconnaissent que c'est une ibada. Pourquoi? Illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Le but c'est de se rapprocher d'Allah. Lakin tu te rapproches d'Allah avec al-kitab et al-sunnah. Tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le prophète, en suivant sahaba. Tu te rapproches d'Allah en revenant à ahl al-ilm. Tu te rapproches d'Allah en étudiant. Amma al-jahl, ça peut pousser une personne wal-'iyadu billah al-halak wa al-damar. Fal-'inaya bi-'ilm al-tawhid, c'est anfa'u al-'ulum. Je conseille à les frères tous passer du temps fi tawhid. Ça doit être la première chose et la principale chose que vous étudiez. Grâce à certains des ouvrages comme Kitab al-Tawhid, comme Kashf al-Shubuhat, comme Tathir al-I'tiqad, comme Fath al-Majid, كذلك les petites rasaïl avant, Al-Qa'id al-Arba' wa al-Usul al-Thalath, wa Nawaqid al-Islam wa al-Usul al-Sita wa al-Wajibat, etc. Fafiha khayrun azim. كذلك al-Ijtihad fi Iblagh hada al-Tawhid. Taqaddam ma'ana annaha c'est da'wa jami' al-Anbiya. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا première chose à quoi on appelle c'est هذا. et notre temps, le plus de temps qu'on met dans ta'wa, c'est fi hada. Falatadun an-nas, ils sont plus touchés par shirk. Abadan. Abadan. Celui qui connaît shirk et qui connaît waqi' an-nas, il sait que kathir min an-nas. Walhamdulillah, kathir minhum, ils sont à la khir, à la tawhid. Lakin cette partie qui est touchée par hada al-dhulm, on doit leur montrer hatta taqoum al-hujja ala al-ibad. كذلك من وقع منه شيء من ذلك من الشرك فليبادر بالتوبة الخالصة. Ça, ça vous montre comment faire da'wa. Tu montres qu'il y a toujours une porte d'ouverte. Que ce soit ton père, ta mère, ta tante, ton grand-père, tu leur montres que Allah subhanahu wa ta'ala c'est arhamur rahimin et ils détestent le shirk. Tu leur montres qu'ils doivent revenir à lui. Et s'ils reviennent, Allah subhanahu wa ta'ala il leur pardonne tout. قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Tu leur montres qu'ils ne désespèrent pas. قال عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ça c'est avant la mort. أما après la mort, إن الله لا يغفر أن يشرك به. Donc tu leur montres qu'ils ont encore du temps, qu'ils ont encore une possibilité de revenir. Tu leur montres que si ils regrettent et détestent cette chose qu'ils ont faite et ils la délaissent totalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonne avec cette tauba. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafurur rahim. Wallahu al-musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Hayyakumullah. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com.